racaille en pétard, cran d'arrêt dans le regard, croise un rasta blafard sur un étroit trottoir. Le choupaï a pleuré, tente l'esquive à peu près. Le wesh wesh excité, s'en amuse et l'effraie. Mais la fin de l'histoire n'est pas teintée de noir, car au lieu de la bagarre s'éclate un gros pétard. L'amitié se glisse entre les interstices, l'inconnu se lisse sans resserrer les cuisses. Bourgeoise en tailleur, décolleté ravageur, croise un pécor moqueur au pied du Sacré-Cœur. Le fermier alléché fait mine de s'approcher, la pétasse s'excédée s'apprête à l'insulter. Mais au bout d'un quart d'heure, contre un orolateur, le petit couple amateur réinvente le bonheur. L'amitié se glisse entre les interstices, l'inconnu se lisse sans resserrer les cuisses. Un cachet méchant, légèrement décadent, croise un bobo vraiment, supra trop élégant. Le rocker amusé, lui jette un œil mauvais. Le jeune homme aveuglé n'admire que ses deux pieds. Et pourtant c'est marrant, mais rien qu'en un instant, les deux comme c'est charmant, s'embrassent évidemment. L'amitié se glisse entre les interstices, l'inconnu se lisse sans resserrer les cuisses. Oh. Serrer les cuisses.